La transmission de pensée, tout le monde l'a expérimenté au moins une fois dans sa vie. On dit une chose, et la personne à qui l'on parle s'exclame « Ça alors, j'étais justement en train d'y penser !» Nous avons fait de la transmission de pensée. L'instant d'après, on n'y pense plus. Pour certains êtres surdoués, la transmission de pensée est un sixième sens, un art qu'ils cultivent, et qui peut être un outil ou une arme, selon le camp où l'on se trouve. Ce jour-là, en 1947, le téléphone sonne à la brigade de la police montée de Schenectady, au fin fond du Canada français. « Lieutenant Delannoy à l'appareil. »« Ici Marcel Miremont, de la ferme des Castors. »« Venez vite, c'est affreux. »« Je viens de rentrer de poser des pièges et toute ma famille a été assassinée. »« Toute la famille Miremont ? » ?»« Oui, tout le monde. »« Tout le monde y est passé, mon père, ma mère, mon frère. »« Même Gustave Quillebon, notre ouvrier. »« C'est affreux, un vrai massacre. »« Ne touche à rien, mon garçon. » Nous arrivons tout de suite. En arrivant à la ferme des Miremont, il est évident que Marcel a donné un compte-rendu très exact des faits. Il est assis sur un tronc d'arbre, la tête enfouie entre les mains. Le soleil baisse déjà à l'horizon. Le lieutenant Delannoy et ses hommes font rapidement les constatations les plus évidentes. Dans l'entrée de la ferme Miremont, on découvre tout d'abord la mère, Gabrielle, la tête éclatée par une balle de gros calibre qu'il a atteinte en pleine bouche. Elle a dû mourir sur le coup. Un peu plus loin, dans l'escalier qui mène à la cave, c'est Gilbert Miremont, le père, qui est abattu. Lui aussi a reçu une balle en plein front. Il s'est pas vu partir. Pourtant, le lieutenant Delannoy pense que Gilbert Miremont a dû voir son assassin. Il a encore une grosse hache serrée dans sa main, comme s'il s'en était emparé pour se défendre. Le frère aîné de Marcel Miremont, Donadieu, est retrouvé dans la grange à foin. Lui, il a été abattu d'une balle dans le dos. Et quant au malheureux Gustave Quillet, l'ouvrier agricole de plus de 60 ans, on le découvre au bord de la mare. Il a encore les yeux ouverts. Et dans le regard, la terreur de la balle qu'il a atteint en plein cœur. Les autopsies indiquent clairement que toute la famille a été massacrée par la même arme. Le même type de balle, un gros calibre, pour la chasse à l'élan. Marcel Miremont, le seul survivant, est complètement prostré. Il est incapable de donner la moindre précision sur un ennemi de la famille qui soit capable d'une telle boucherie. Le lieutenant Delannoy fait un compte-rendu des faits. Les Miremont sont installés au Canada depuis 3 générations, leurs affaires sont florissantes, mais ils sont loin d'être fortunés. Les deux fils, Marcel et Donadieu, respectivement âgés de 41 et 47 ans, sont encore célibataires. Il faut dire que les occasions de rencontres matrimoniales sont un peu rares dans les forêts canadiennes. Quant aux filles de la ville, inutile de leur demander si elles veulent partir s'enterrer entre les élans et les castors. Au bout de quelques mois, l'enquête tourne en rond. Oh, bien sûr, Marcel se trouve, faute de mieux, en première ligne parmi les suspects. Il a un alibi, mais... aucun témoin ne peut confirmer ses horaires en ce qui concerne la pose des pièges à castors. J'étais parti depuis 2 jours. Je suis rentré en fin de matinée pour découvrir cette horreur. L'autopsie établit que toute la famille a été massacrée presque 24 heures avant le retour de Marcel. En tout cas, on ne retrouve aucune trace de l'arme du crime. Quant au mobile, il pourrait être l'intérêt. À présent, c'est Marcel Miremont qui hérite de la ferme. Même s'il n'a pas l'intention de rester sur place, il trouvera certainement à vendre la maison qui est très belle. Et avec l'argent, il pourrait partir à Montréal ou au Québec pour s'y installer et se marier. Ah, se marier! Et si on cherchait quand même un peu du côté des femmes? Donadieu et Marcel sont de belles bêtes. Aux assemblées, ils n'ont pas dû laisser les filles indifférentes. On va essayer de découvrir quelques filles qui auraient pu les connaître mieux que les autres. Et c'est ainsi que la police montée finit par découvrir une ou deux jeunes filles qui ont eu l'occasion de valser entre les bras musclés des frères Miremont. Avec quelques réticences, elles admettent que tout n'était pas rose dans la famille massacrée. Marcel était un peu jaloux de Donadieu, surtout depuis que la Félicie Andrieux l'avait quitté pour lui. On parlait mariage, et Marcel ruminait sa colère. Il n'était pas commode, le Marcel, du genre renfermé, mais capable de coups de colère épouvantables, tout comme son père. Mais de là à tuer toute sa famille. Félicie Andrieux, interrogée à son tour, explique qu'elle a rompu avec Marcel à cause de sa violence. Un jour, après la danse de l'Assemblée de printemps, il m'a fait une scène et j'ai cru qu'il allait me casser le bras. J'ai gardé un œil au beurre noir pendant plus d'une semaine. Donadieu, lui, il était beaucoup plus doux, même s'il n'était pas aussi bien bâti. L'attitude de Marcel Mirmont, ses hésitations quant à son emploi du temps, finissent par justifier son incarcération. Le procureur est d'accord avec le lieutenant de Lannoy. On va le garder au frais pendant quelques jours. Lui qui est habitué à la liberté et aux grands espaces, il va la trouver mauvaise. Espérons que ses nerfs vont lâcher. Mais les nerfs de Marcel ne cèdent pas. Il reste de longues heures assis sur son bas-flanc, perdu dans ses pensées. Jusqu'au jour où le lieutenant de Lannoy a une idée. Et il en fait part au procureur. Ma sœur connaît un homme extraordinaire. Oh, ce n'est pas la première fois que la police américaine fait appel à ses services. Voilà ce qu'il pourrait faire. Le procureur donne l'autorisation d'engager l'homme en question, un certain Kenneth Woodruff. Ses états de service pour la police américaine mettent tout le monde en confiance. Deux jours plus tard, Marcel Mirmont, à travers les barreaux de sa cellule, aperçoit un petit homme moustachu qui vient s'installer dans le couloir à 3 mètres de lui. Un policier lui apporte une chaise confortable et l'homme s'assied. Il regarde Marcel Mirmont sans rien dire, même pas bonjour. Marcel Mirmont, au bout de quelques minutes, se désintéresse du nouveau venu. Il se demande cependant ce que signifie la venue de cet homme en vêtements civils assis dans le couloir. Ce n'est pas un prisonnier. Ce n'est pas un policier. Ce n'est pas un avocat. Il est assis là. Et il regarde Marcel Mirmont. Hé, vous, monsieur, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là ? L'autre ne répond pas. Ses petits yeux noirs enfoncés dans les orbites fixent Marcel. C'est à peine si l'on voit les paupières ciller de temps en temps. Mais l'inconnu ne répond pas. Il fixe Marcel, rien que ça. Il fixe Marcel pendant 4 heures d'affilée. Au bout de ces heures, un policier vient chercher l'homme qui se lève et disparaît au bout du couloir. C'est l'heure du repas. Et d'ailleurs, on apporte le déjeuner de Marcel. Mais il n'a pas d'appétit. Se trouve incapable d'avaler la moindre nourriture. Qu'est-ce qui m'arrive ? M'énerve ce bonhomme. Qu'est-ce qu'il veut ? Après l'heure du repas, l'homme aux petits yeux noirs revient et s'assied à nouveau sur la chaise. De temps en temps, il croise ou décroise ses jambes. Il a les bras croisés sur la poitrine et il se contente de fixer Marcel. À la fin de la journée, le même policier vient chercher l'inconnu et ils sortent tous les deux. Marcel soupire. Ah, bon débarras! Il commençait à m'énerver, Zig, à me regarder comme ça. Mais Marcel a du mal à s'endormir ce soir-là. Quelles sont les pensées qui l'agitent? On l'ignore. Le lendemain, dès 8 heures du matin, voilà l'homme aux yeux noirs qui s'installe à nouveau sur la chaise dans le couloir. Marcel lui tourne ostensiblement le dos. Mais malgré tout, ses nerfs craquent. Il se met à hurler. « Sergent, enfin à moi, à l'aide, quelqu'un !» Quand le sergent arrive, son trousseau de clés à la main, Marcel laisse exploser sa colère. « Mais qu'est-ce que c'est que cet enquiquineur qui passe sa journée à me regarder ? Faites venir mon avocat ! Je suis certain que c'est illégal de mettre un mec devant ma cellule pendant des heures. On n'est pas au zoo ici, je suis pas un singe, hein ? Est-ce qu'il a l'intention de me jeter des cacahuètes ou des bananes ? C'est du harcèlement, j'en ai marre !» Le sergent répond... « Mon gars, tu ferais mieux de réfléchir à ce qui s'est passé à la ferme. Et aussi de fourbir un alibi qui soit nickel, hein. T'en auras certainement besoin d'ici quelques jours, devant le juge fédéral. » Pendant tout ce dialogue, l'homme aux yeux noirs est resté parfaitement impassible sur sa chaise. Et il restera ainsi immobile 8 heures par jour pendant 4 jours complets. Au bout des 4 jours... Il quitte le couloir, se rend chez le lieutenant de Lannoy et dit « Voilà, je crois que j'en sais assez pour que l'on puisse procéder à quelques vérifications. Si je visualise bien la ferme, c'est un grand bâtiment avec un pignon rouge. À côté, il y a la grange à foin, là où on a découvert le corps de Donadieu. Et la mare est un demi-mille à l'ouest. Il y a un bois de bouleaux. et Gustave Quillé était étendu là, sa tête trempée dans l'eau. Le lieutenant Delannoy est d'accord. Tout ce que lui dit Kenneth Woodhouse est strictement exact, mais cela ne prouve pas grand-chose. Il pourrait l'avoir lu dans la presse ou même l'avoir constaté de lui-même en allant faire un tour à la ferme du crime. Woodhouse continue. Heureusement, Marcel Mirmont a passé de longues heures dans sa cellule occupé à revivre ce qui s'est passé réellement. S'il ne passe pas aux aveux, vous n'obtiendrez rien. Mais il a commis une erreur. Il est obsédé par l'arme du crime. Et à force de me concentrer sur l'arrière de son crâne, j'ai fini par visualiser l'endroit où il l'a caché. Vous trouverez l'arme et les munitions dissimulées sous un tas de bois dans la forêt à 2000 au nord, en partant droit devant vous depuis l'entrée de la ferme. Et à mon avis, il s'agit d'une carabine Winchester, une arme de collection. Bon, nous allons vérifier. Aussitôt, une patrouille est envoyée à la recherche du mystérieux tas de bois. On le trouve sans difficulté. C'est Marcel qui l'a construit de ses propres mains. Sous le tas de bois, une arme, une Winchester et des munitions. Confronté à l'arme du crime, Marcel Mirmont s'effondre et avoue tout. J'ai eu un coup de colère à propos de Félicie. J'ai tué Donadieu. Ma mère, je l'ai abattue à bout portant quand elle est accourue. Et puis mon père et puis Gustave, pour éviter tout témoin. Marcel Mirmont croupit depuis en prison pour la vie, grâce à l'homme aux petits yeux noirs.